À 16h, vous écoutez France Culture et tout de suite, c'est la méthode scientifique. La galaxie, la Voie lactée, ne vogue pas au hasard dans l'univers. Au contraire, elle évolue sur la trame de ce qu'on appelle la toile cosmique. Une observation récente parue dans la revue Science a permis de mettre en évidence, avec encore plus de finesse qu'auparavant, des filaments cosmiques d'hydrogène qui composent cette toile. Cette découverte nous replonge 12 milliards d'années dans le passé et nous confronte à la complexité de la dynamique des plus grandes structures de l'univers, dont de nombreux mystères restent encore à élucider. Et devinez quoi, la méthode scientifique aime défaire les nœuds, surtout quand ils sont immenses. Filament galactique, un univers en dentelle, c'est le programme cosmique et délicat qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dénouer filament par filament la trame de cette toile cosmique, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui en studio Françoise Combes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne, professeure au Collège de France, titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie. Et avec nous par téléphone, Sandrine Codis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne à l'Institut d'astrophysique de Paris. Merci infiniment à toutes les deux de vous joindre à nous en cette veille de Noël pour connecter nos neurones aux étoiles et aux galaxies. Mais tout d'abord, et avant de nous plonger dans les immensités cosmiques, je vous propose de retrouver celle qui brille telle l'étoile du berger dans l'actualité des sciences. Il s'agit de Natacha Triou pour le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence avec le premier sujet de ce journal. Le Japon va construire le plus grand détecteur de neutrinos au monde. Oui, l'Hyper Kamiokande, un détecteur de neutrinos 5 fois plus grand encore que le Super Kamiokande, opérationnel depuis 1996. Le projet est soutenu par le prix Nobel de physique 2015, Takaki Kajita, et la première tranche de financement réel vient d'être approuvée au Japon. Tous les feux sont au vert pour une construction en 2020. L'Hyper-K contiendra 260 000 tonnes d'eau ultra pure dans un énorme réservoir bordé de photomultiplicateurs, des détecteurs de photons. Les neutrinos, ces particules élémentaires les plus insaisissables de l'univers, interagissent que très faiblement avec d'autres particules de matière. C'est pour ça que les détecteurs doivent être suffisamment grands. Thierry Lasserre est physicien au service de physique des particules du CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Sa particularité, c'est d'être un mastodonte de la détection des neutrinos. Et donc, on ne peut pas présumer par avance, mais il y a un potentiel de découverte qui est assez important. Potentiel de découverte pour les oscillations de neutrinos et la symétrie antimatière. Un potentiel de découverte, à mon avis, aussi important pour la recherche de désintégration du proton. Pour la recherche de ce qu'on appelle la violation de CP, on voudrait savoir si les neutrinos et les antineutrinos se comportent de la même façon. Donc pour ça, un moyen d'y arriver, c'est d'étudier les transformations des neutrinos, leurs oscillations, en utilisant un accélérateur qui va fournir dans un premier temps des neutrinos, dans un deuxième temps des antineutrinos. On peut mesurer les probabilités d'oscillation dans les deux cas, les comparer et voir ainsi si la matière dans le secteur des neutrinos se comporte comme l'antimatière. Alors ça, c'est important parce que ça peut donner crédit à des théories qui expliquent pourquoi aujourd'hui, dans l'univers actuel, on n'observe que de la matière et pas de l'antimatière. Donc ça, pour faire ces expériences-là, il faut beaucoup de neutrinos et d'antineutrinos détectés. Et à l'heure actuelle, les détecteurs comme Super Kamiokande, et puis il y a aussi des détecteurs aux États-Unis, sont un petit peu trop légers, et donc pas assez massifs pour pouvoir faire définitivement cette observation-là. Et elle sera faite, cette mesure sera faite avec certitude avec le détecteur Hyper Kamiokande. Donc on saura, d'ici une dizaine d'années, on saura exactement ce qu'il en est de la différence d'oscillation entre neutrinos et antineutrinos. Et on passe au bref du jour. Dans la revue Current Biology, une équipe américaine a découvert les fossiles de la plus vieille forêt du monde. Une forêt vieille de 385 millions d'années. Elle se trouve dans la région des Catskills, dans l'état de New York, et elle est beaucoup plus ancienne que celle du site de Gilboa, à quelques kilomètres de là, et surtout, elle est d'une composition radicalement différente. Il a fallu 10 ans d'études et de fouilles pour découvrir un vaste système racinaire d'arbres primitifs. Des Eospermatopteris, mais aussi des arbres haïkaï de la classe des Lycopsida. Cette découverte est la première preuve que la transition vers les forêts telles qu'on les connaît aujourd'hui a commencé beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait, dès la période dévonienne. Et on aura l'occasion d'en reparler demain avec le botaniste Francis Allais. La NASA donne le feu vert pour la construction de son avion supersonique silencieux. Oui, le X-59 sera construit en 2020 pour des premiers vols tests en 2021. Il devrait voler à Mach 1,5, soit 1,5 fois la vitesse du son, avec la particularité de ne faire aucun bruit, ou presque. Pour éviter le fameux bang qui caractérise le passage du mur du son, l'avion est conçu avec des petites ailes sur l'avant, avant les ailes principales, pour façonner les ondes de choc, les éviter de fusionner avec l'arrière de l'avion et donc de produire un boom sonore. Cet avion supersonique silencieux sera dédié à l'aviation civile. Et enfin, selon une étude parue dans Biology Letters, les chiens peuvent comprendre les nombres. Les chercheurs de l'université Emory aux États-Unis ont observé à l'IRM l'activité cérébrale de 11 chiens. Les toutous devaient observer un écran avec différents nombres de points qui changeaient de taille et de quantité. Non seulement les chiens ont le sens des quantités, mais en plus, il y a des similarités entre les cerveaux des chiens et ceux des humains. Ce sont les mêmes zones cérébrales qui s'activent, c'est-à-dire dans le cortex pariétal. Une faculté qui est aussi partagée avec les singes, les poissons et les abeilles. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations évoquées dans le journal des sciences, mais aussi celles qui vont nous occuper pendant cette heure en suivant sur notre fil Twitter la méthode FC, @lamethodefc, mais aussi sur notre site franceculture.fr. Alors, je le disais en introduction de l'émission, on a pu observer des filaments galactiques en pointant l'instrument MUSE du Very Large Telescope au Chili en direction d'un proto-amas de galaxies à 12 milliards d'années-lumière. Alors, Françoise Combes, pourquoi il s'agit d'une observation importante? Ah oui, c'est très important parce que ces filaments cosmiques, on sait qu'ils sont là. En fait, ils sont faits essentiellement de matière noire, mais on ne les a jamais vus. Donc, on pense qu'il y a du gaz très chaud, ionisé même, et donc il est impossible de le voir. Il n'est pas assez chaud pour qu'on le voit en rayons X, il n'est pas assez froid pour qu'on le voit en hydrogène atomique. Donc, cette observation est l'arrêt de l'hydrogène, la principale, l'Iman Alpha, et le MUSE est un instrument au Very Large Telescope de l'ESO au Chili, qui est très très puissant. Très puissant, donc il permet de voir un petit peu de ce gaz ionisé. Alors c'est pas l'essentiel de la matière du filament, mais c'est un traceur, un petit peu de sucre sur le gâteau comme ça, et ça permet de tracer les filaments que l'on n'a jamais vus. Alors Sandrine Codis, on reviendra un petit peu sur ce que sont ces filaments qui vont nous occuper tout au long de cette heure. Sandrine Codis, j'aimerais comprendre juste un petit peu, parce que quand on parle d'univers et de grandes structures de l'univers, la question de l'échelle est très importante. À quelle échelle on se situe avec cette observation qui a été réalisée au Chili? Alors oui, peut-être pour parler un peu d'échelle, il faut déjà revenir dans notre système solaire, juste pour qu'on se rende compte un petit peu de quoi on est en train de parler. Donc si on regarde juste à toute petite échelle, le Soleil, il est à 8 minutes lumière de nous. Des soleils, il y en a plein, des étoiles, il y en a plein dans l'univers, et elles se regroupent en galaxies. Donc par exemple, la nôtre s'appelle la Voie lactée. Je pense que les auditeurs le savent bien. Donc cette Voie lactée, elle contient des centaines de milliards d'étoiles, comme le Soleil. Et donc là, on a fait déjà un saut en termes d'échelle, puisque donc une galaxie comme la Voie lactée, si on regarde à peu près le diamètre de cette galaxie, qui est une galaxie spirale, son diamètre fait à peu près 100 000 années-lumière. Donc déjà, vous voyez que la lumière, pour passer d'un bout de la galaxie à l'autre, elle a besoin de 100 000 années pour voyager. Donc vous voyez, déjà, on est sur des échelles qui sont colossales. Mais là, nous, on est en train de parler de toiles cosmiques. Et donc, qu'est-ce que la toile cosmique? C'est le fait que donc des galaxies comme la Voie lactée dans l'univers, il y en a beaucoup. Et ces galaxies, elles ne sont pas réparties de façon uniforme, comme si elles se baladaient un peu indépendamment des unes des autres dans l'univers. En fait, elles forment un réseau, un grand réseau, un peu comme une toile d'araignée géante, qu'on appelle la toile cosmique. Et donc là, on est en train de regarder des échelles qui sont encore plus grandes. On regarde les distances entre les galaxies. Et donc là, encore une fois, on a fait un saut en termes d'échelle de grandeur, puisque par exemple, si on regardait juste notre plus proche voisine, la galaxie d'Andromède, on se situe déjà à 2,5 millions d'années-lumière. Donc vous voyez, 2,5 millions d'années dont la lumière a besoin pour voyager de la galaxie la plus proche de nous jusqu'à nous, la Voie lactée. Et donc donc là, cette toile cosmique, voilà, c'est un peu le réseau qui comprend toutes ces galaxies qui sont agencées les unes en fonction des autres. Et donc, on regarde des structures qui contiennent toutes ces galaxies et qui, là, vraiment, sont sur des échelles presque jusqu'à des milliards, finalement, d'années-lumière de distance. Donc, vraiment, des échelles qui sont difficiles à imaginer, en fait, en tant qu'humain, mais qui sont vraiment colossales. Donc, vraiment, les échelles les plus grandes de l'univers que l'on peut imaginer. Alors, avant de prolonger notre définition de ce que sont ces galaxies, les amas de galaxies, les super amas de galaxies, je vous propose de faire comme cet instrument Muse, de faire un petit saut dans le passé et d'écouter une archive. C'était en 1952, dans l'heure de la culture française, on écoute l'astronome Paul Couder. Les recensements de galaxies ont d'abord fait apparaître une préférence en faveur de l'hémisphère galactique nord. Jusqu'à la magnitude photographique apparente 17.5, on trouve dans l'hémisphère nord 45 galaxies et dans l'hémisphère sud 26 seulement par degré carré. Cette distribution dissymétrique est purement fortuite et s'explique en grande partie par l'existence de plusieurs amas copieux tels que l'amas Virgo dans l'hémisphère nord. Mais si l'on pousse jusqu'à la magnitude 19, l'inégalité disparaît. L'équilibre se maintient ensuite jusqu'aux limites de notre perception, la magnitude 23 actuellement. Ces résultats intéressent 500 millions de galaxies et l'homogénéité du peuplement de l'espace, intéressant des membres déjà si grands et si nombreux, prend une valeur significative. Macroscopiquement, on peut dire que la distribution des galaxies apparaît encore comme approximativement uniforme, tant en direction qu'en profondeur. Aucun écart significatif, malgré certaines affirmations contraires, n'a encore pu être signalé par qui que ce soit. Autrement dit, rien ne laisse croire que dans aucune direction, nous approchions d'un centre d'accumulation, ni inversement d'un bord du système des galaxies. L'image la plus simple et la plus correcte serait encore celle d'un espace euclidien, régulièrement peuplé de galaxies, avec des inégalités de détails dont nous allons nous occuper aujourd'hui. Françoise Combes, que vous inspirent ces inégalités? Ah oui, ça c'est très très intéressant de voir la vision que l'on avait à cette époque. Aujourd'hui, on sait bien entendu ce qu'il faisait allusion, c'est l'homogénéité de l'univers. Donc en effet, on n'a aucun centre, il n'y a aucune accumulation quelque part, et on fait l'hypothèse, puisqu'on ne peut pas regarder l'univers infini, on fait l'hypothèse que l'univers est homogène et isotrope. Et en effet, on a toutes les raisons de le penser, puisque on a, à partir du Big Bang, on a un fond cosmologique de rayonnement, le fond que l'a trouvé dans des années 60-70, Penzias et Wilson. Donc ce fond cosmologique, il est tout à fait uniforme. Il est à 3 degrés Kelvin de température partout, partout. C'est la soupe primordiale. Voilà, c'est la soupe primordiale. Et elle est complètement uniforme, homogène. Et donc ça nous dit que vraiment l'univers est né de façon complètement homogène. Et c'est ça la grande difficulté, c'est de savoir comment on passe d'un univers homogène il y a 13,8 milliards d'années à un univers qui est plein de structures aujourd'hui. Il y a quand même, ça a beau être uniforme, c'est quand même comme un fromage suisse avec plein de trous, ou un gruyère, si vous voulez, ou alors une éponge avec plein de trous. Il y a beaucoup de vide. Et donc, les filaments délimitent des grandes régions qui sont vides. Et donc, la matière va s'effondrer sur les filaments. Et en conséquence, il y a des vides entre les filaments qui vont être de plus en plus vides. Donc, on a quand même des inhomogénéités locales. Mais globalement, c'est peut-être ça dont il faisait allusion, c'est qu'il y a une homogénéité et une isotropie totale. J'aimerais qu'on continue, si vous voulez bien, Sandrine Codis, dans ce que vous disiez sur les galaxies. Comment se forment ces galaxies? À quelle période elles se forment à partir de ce moment primordial dont parlait Françoise Combes à l'instant? Et comment elles se forment? Oui, alors déjà, il faut comprendre que la façon dont on comprend l'univers, c'est à travers un modèle qu'on appelle un modèle hiérarchique. Donc, où on forme des structures plutôt petite échelle et des structures de plus en plus grandes au fur et à mesure du temps. Donc, par exemple, la toile cosmique dont on parle aujourd'hui, elle se développe en fait à toutes les échelles, mais d'abord à des échelles plutôt petites, enfin ce qu'on appelle petites, c'est quand même des échelles très grandes, mais et puis au fur et à mesure du temps, des échelles de plus en plus grandes, et principalement par fusion, donc des fusions d'objets un peu plus petits qui ensuite forment ces objets encore plus grands, et donc des structures et des superstructures toujours de plus en plus grandes à mesure que le temps passe. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette toile cosmique, ces grandes structures de l'univers, elles vont se former, et en premier lieu, parce qu'on a de la matière noire dans l'univers, et c'est cette matière noire qui va pouvoir s'effondrer relativement tôt dans l'histoire de l'univers, parce qu'on avait des petits grumeaux initialement. On a parlé de ce fond diffus cosmologique qui est très homogène. Mais en fait, il y a des petites fluctuations qu'on a pu observer avec des satellites comme Planck, par exemple. Donc, ces petits grumeaux initiaux qui sont de l'ordre de 10 puissance moins 5, donc 0,01%, c'est tout petit. Mais ces petits grumeaux initiaux, ils peuvent ensuite s'effondrer sous l'effet de la gravité. En fait, il y a une compétition entre l'expansion de l'univers qui tend à tout diluer et la gravité qui est une force attractive et qui va faire que tout s'effondre. Et donc, ces petits grumeaux initiaux, ils vont pouvoir s'effondrer et puis former ces structures, ces grandes structures de l'univers au fur et à mesure du temps. Et ensuite, au sein de ces grandes structures, on va donc avoir des galaxies qui vont se former. Et une question très importante, c'est de comprendre quel est le lien entre cet environnement, cette toile cosmique, ces grandes structures de l'univers et la formation des galaxies en leur sein. Alors, comment s'organisent justement, Françoise Combes, ces grands systèmes-là ? On parle de galaxies, d'amas de galaxies, de super amas de galaxies. Est-ce que vous pourriez rappeler à nos auditeurs un petit peu ce que sont ces trois éléments un peu constitutifs des structures de l'univers ? Alors, les galaxies, on en a déjà parlé avec Sandrine, la Voie lactée, que nous connaissons bien. C'est un ensemble de gaz, de poussière et d'étoiles. Alors, il y a 300 milliards d'étoiles. Et ça fait 100 000 années-lumière. Donc c'est vraiment les identités, enfin les unités comme la galaxie Andromède, notre voisine. Et même localement, nous sommes dans un petit groupe local. Donc il y a les nuages Magellan, il y a d'autres galaxies, Messier 33, la galaxie du Triangle. Donc c'est un petit groupe, c'est pas un amas. Une quarantaine de galaxies. Voilà, à peu près. Une quarantaine de galaxies. Et puis ces petits groupes, c'est l'identité qui est la plus nombreuse dans l'univers. En fait, les amas sont rares. Donc il y a dans les amas l'amas de la Vierge dont a parlé Paul Couder ici, l'amas de Coma par exemple, les grands amas qui nous entourent, c'est rare. Et donc une galaxie est préférentiellement dans les groupes plutôt que dans les amas. D'accord. Donc quelques pourcents, 5% de la matière de l'univers est dans les amas. Donc c'est très intéressant de voir les amas parce que les galaxies, lorsqu'elles rentrent dans un amas, elles sont très modifiées, elles perdent leur gaz, finalement la formation d'étoiles leur est supprimée, elles deviennent très vieilles, elles vieillissent plus vite dans les amas que d'ailleurs. Mais nous avons la chance d'être dans un groupe, comme la plupart des galaxies, et donc on n'a pas tous ces effets très nocifs envers la formation d'étoiles, le gaz dans les galaxies, que sont les amas. Donc les amas, il faut voir que c'est les nœuds des filaments. Vous avez toute une toile cosmique, et donc cette toile, il y a des filaments qui se rencontrent, et dans les nœuds arrivent toutes ces grandes agglomérations, en fait, gigantesques, que sont les amas de galaxies. Il peut y avoir 100 000 galaxies dans un amas. Et puis ensuite, les groupes. Alors, les galaxies se forment le long des filaments. Donc, on sait où sont. C'est pas tellement dans le vide. Il y a quelques-unes dans le vide, mais très peu. Et surtout, le long des filaments. Et un autre élément qu'on appelle les super-amas. Alors du coup, nous, où est-ce qu'on se situe ? Dans quel super-amas on se situe ? Alors justement, on l'a fait avec, par exemple, Hélène Courtois, Brent Tully, etc. On a essayé de cartographier la géographie, en fait, de notre univers local. Et en effet, nous sommes dans une superstructure qui s'appelle l'Aniakea, un mot hawaïen, puisque l'on découvre à Hawaï. Et ce Aniakea, c'est un super-amas. Ce sont des structures qui ne sont pas forcément liées. Donc, ce sont des bassins, on appelle ça un bassin versant, il y a des crêtes. Il faut s'imaginer qu'il y a des bassins, et si de l'eau est jetée au bout du bassin, elle va tomber vers nous. Par contre, si elle est dans l'autre bassin, elle va tomber de l'autre côté, c'est un peu comme les fleuves. Donc, nous sommes dans un bassin versant qui est l'Aniakea, mais il ne sera pas forcément stable dans l'univers avec l'accélération, l'expansion, il va peut-être se défaire. Et tout ça, on y reviendra tout à l'heure. La méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Vous écoutez La méthode scientifique sur France Culture et en cette veille de Noël, nous tendons les guirlandes galactiques sur le grand sapin de la toile cosmique pour en comprendre le fonctionnement et l'évolution avec Françoise Combes, astrophysicienne, professeure au Collège de France, et Sandrine Codis, astrophysicienne à l'Institut d'astrophysique de Paris. J'aimerais maintenant qu'on en vienne à présent à ces fils d'Ariane que nous remontons aujourd'hui, à savoir les filaments galactiques. Déjà, Sandrine Codis, comment on peut définir pour un non-initié un filament galactique ? De quoi il se compose ? Quelle taille il a ? Et où est-ce qu'il se situe ? Quels sont ses effets ? Voilà, toutes ces questions qui restent un petit peu en suspens. D'accord. Donc, déjà, peut-être commencer par dire que donc, cette toile cosmique dont on parle, c'est comme, il faut imaginer un peu une sorte de toile d'araignée géante ou peut-être des bulles de savon collées les unes aux autres. Donc c'est des grands vides de matière qui sont entourés par des murs. Ces murs se rencontrent pour former des filaments, et ces filaments se rencontrent, comme le disait Françoise, pour former les nœuds de la toile cosmique qu'on retrouve en général de grands amas de galaxies. Et donc tout ça, c'est à des échelles qui sont des échelles qui correspondent finalement aux distances entre les galaxies. Et donc ce qui s'est passé, c'est que finalement, on a commencé à voir ces filaments apparaître, mais initialement... Quand est-ce qu'on les a vus apparaître à peu près? Quand est-ce qu'ils ont été théorisés, d'ailleurs? Voilà, donc en fait, ça dépend un petit peu de ce qu'on appelle filament. Mais donc, par exemple, dans les années 80, on s'est rendu compte pour la première fois que les galaxies, effectivement, suivaient cette espèce de géométrie comme une toile d'araignée. Donc ça, je pense que c'est 86 l'année, avec Valérie de Lapparent et ses collaborateurs. Mais donc là, ce qu'on voit, c'est finalement des galaxies, des points, quand on fait des observations, qui ont l'air de suivre un petit peu une toile d'araignée. Mais on ne sait pas s'il y a quelque chose entre ces galaxies, finalement. Donc ensuite, on peut faire des simulations numériques de l'univers et se rendre compte qu'en effet, les galaxies ont l'air de suivre cette toile cosmique et qu'en fait, entre les galaxies, il y a bel et bien des filaments qui sont composés de matière noire. Donc ça, c'est quand on fait des simulations avec uniquement de la matière noire, parce que bizarrement, c'est la matière noire qui est la plus facile à simuler dans nos ordinateurs. Alors qu'on la connaît pas, c'est assez étrange, mais c'est bel et bien le cas. Et donc ensuite, quand on rajoute un niveau de complexité, on peut essayer de modéliser aussi ce qu'on appelle les baryons. Donc les baryons, c'est la matière que l'on connaît bien. La matière normale. La matière normale, on pourrait dire, qui émet des photons parce qu'elle interagit avec la lumière. Et donc on peut faire des simulations avec ces baryons qui ont une physique beaucoup plus complexe finalement et plus difficile à modéliser. Et donc on se rend compte que dans les simulations numériques, très naturellement, on voit dans ces filaments que, en plus de la matière noire qui la compose principalement, on a en fait finalement des filaments de gaz, avec souvent des courants de gaz froid qui vont constituer ces filaments et alimenter les galaxies. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable à la formation des galaxies, au moins au niveau des simulations numériques. Ensuite, la question est, est-ce qu'on peut observer ces filaments de gaz dans les observations? Et là, la difficulté, c'est que ces filaments sont en fait très ténus et donc difficiles à observer. C'est pour ça que l'observation qui a été faite par Muse, c'est une observation très importante parce qu'elle est extrêmement difficile. Françoise Combes, est-ce que cette structure filamentaire, elle se retrouve à toutes les échelles? On parlait tout à l'heure des échelles galactiques, des échelles des amas, des super amas de galaxies. Est-ce que tout ça est lié entre soi par des filaments? Oui. En fait, on pourrait dire que les filaments, c'est comme une structure fractale. C'est-à-dire, elle a les mêmes propriétés à toutes les échelles et il nous faut des repères pour savoir à quelle échelle on est. Parce que quand on regarde des filaments, ils peuvent être très très grands ou très petits, ça aura toujours la même allure. Donc si on voit les galaxies par contre, c'est quelque chose qui a une taille bien précise. Ouais. Et donc dès qu'on voit des galaxies, on sait à quelle échelle on est. Mais sinon, on ne saura pas. On ne sait pas si c'est un amas de galaxies, une galaxie, etc. Donc c'est vraiment une structure self-similaire qui ressemble à elle-même. Et en fait, cette structure, elle est formée au départ par des petites fluctuations, comme l'a dit Sandrine, qui sont observées dans le fond cosmologique. Donc on sait à quelles conditions initiales on part quand on fait des simulations. Et c'est grâce à ces conditions initiales qu'on a ces filaments. Si on part d'autres conditions initiales, on n'a pas de filaments, on n'a pas ces filaments-là. Donc c'est vraiment inscrit dans le destin de l'univers d'avoir ces filaments. Et ces filaments, au départ, ils sont très très nombreux. Et puis, c'est comme les galaxies dans le modèle hiérarchique. Ces filaments fusionnent. Ils deviennent de plus gros filaments. Et il y a de moins en moins de filaments, en fait, par volume, par unité de volume. Avec l'expansion de l'univers. Voilà, l'expansion. Alors, l'expansion fait aussi que les vides deviennent de plus en plus grands. Les filaments plus massifs. Il y a un contraste de plus en plus grand. Donc, au début, c'est un tout faible contraste avec beaucoup de filaments. De plus en plus, il y a moins de filaments, mais ils sont beaucoup plus contrastés. Et les galaxies plus nombreuses dans les filaments. Est-ce qu'à l'échelle de la galaxie, à l'intérieur de notre galaxie, par exemple, on pourrait déceler la présence de filaments? Est-ce qu'on peut en voir? En fait, non, mais les filaments sont beaucoup plus grands qu'une galaxie. Donc, c'est très ténu et plus grand. Par contre, on a un indice, c'est que toutes les galaxies ont un disque de gaz. Et le gaz vient des filaments. On sait que le gaz arrive des filaments, il va former des étoiles, il va tomber vers le centre, il va alimenter un trou noir central. Et sans arrêt, les galaxies sont alimentées par les filaments. Et comme ça, on voit, ils sont pas forcément, le gaz n'arrive pas forcément dans le disque. Donc le disque est gauchi comme une crêpe. Et donc quand on voit ce gauchissement qu'on appelle warp au bord des galaxies, on sait que la galaxie est en train d'accréter du gaz à partir des filaments. Donc Sandrine Codis, là, d'après ce que dit Françoise Combes, vous allez le confirmer j'imagine, les filaments sont des espèces de vecteurs de matière et d'énergie entre les grandes structures de l'univers, mais d'où vient cette énergie et cette matière et d'où elle sort pour aller où? Oui, alors, donc, tout à fait. Donc, ce qui se passe, c'est que si on essaie de comprendre comment les structures se forment au cours du temps, la première chose qui va se former, c'est effectivement des murs et des filaments. Donc, toute la matière va se retrouver là. Et puis, au fur et à mesure du temps, elle va ensuite tomber, s'écouler le long des murs, puis des filaments pour tomber au nœud et donc tomber sur les galaxies et sur les amas. Donc, ce qu'on voit, c'est que Au tout début, la matière, elle est en fait principalement dans cette toile cosmique, et puis ensuite, elle va être accrétée petit à petit par les galaxies. Et un autre point important, c'est qu'on le voit bien, une galaxie, elle va pouvoir accréter la masse qui la compose, en particulier le gaz qui la compose, par le biais de ses filaments. Et donc, la façon dont une galaxie est connectée à son environnement, ça va être très important pour déterminer, finalement, son histoire, son évolution. Et sa forme, par exemple, sa morphologie, tout à fait. Donc, former une galaxie spirale, donc avec des bras spiraux comme la Voie lactée, ou former une galaxie elliptique, va dépendre finalement de où elle se trouve au sein de la toile cosmique. Donc ça, ça fait partie d'un des grands sujets de recherche aujourd'hui en astrophysique. Françoise Combe, du coup, une galaxie spirale sera plutôt en périphérie des périphérie des amas, en voilà, tout cas, parce que comme on a dit tout à l'heure, les amas ont un aspect très nocif envers le gaz des galaxies, et les plus le gaz. En fait, pourquoi ? Parce que dans les amas, il y a eu tellement d'interactions entre galaxies qu'il y a beaucoup de gaz très chaud. Le gaz a été chauffé par les interactions de galaxies. Donc toute la matière ordinaire, tous les baryons, sont sous la forme de gaz à 100 millions de degrés qui émettent en rayons X. Et il y a parfois, dans la masse coma, il y a 10 fois plus de masse ordinaire dans le gaz très très chaud que dans les galaxies. Donc c'est vraiment très important. Lorsqu'une galaxie rentre dans cet amas, elle va être épluchée de son gaz. Et donc on ne verra plus une galaxie spirale, mais une galaxie lenticulaire, puis une galaxie elliptique. Donc la plupart des galaxies dans les amas sont elliptiques. Par contre, dans le champ, en dehors des amas, ce sont des galaxies spirales qui sont encore alimentées par le gaz des filaments. Et ça a une influence aussi, cette position dans les filaments, notamment pour les galaxies spirales, sur le sens de leur rotation, c'est ça ? Oui, aussi. Sandrine va sans doute le dire, parce que c'est elle qui a bien montré comment le spin, c'est-à-dire le sens de rotation d'une galaxie, s'alignait sur les filaments. Lorsque ce sont des galaxies spirales, ça s'aligne sur les filaments. Et puis, lorsque les galaxies spirales se rencontrent pour former une elliptique, à ce moment-là, leur moment cinétique de rotation va s'annihiler, et l'axe de rotation de l'elliptique finale va être perpendiculaire au filament. Donc ça, c'est une question très importante que Sandrine et son équipe ont mis en évidence. Sandrine Codis, comment vous avez fait pour mettre en évidence ce sens des rotations des galaxies ? Comment vous avez fait pour comprendre à ces échelles-là dans quel sens tournaient les galaxies ? Oui, alors en fait, on avait utilisé des simulations numériques à l'époque pour se rendre compte effectivement que si on regarde des galaxies spirales qui sont dans les filaments, elles ont tendance à avoir un axe de rotation qui est aligné avec les filaments. Et c'est finalement quelque chose qu'on peut comprendre assez facilement. Donc, il faut s'imaginer un petit peu comment la matière évolue au sein de la toile cosmique. Donc, ce qui se passe, c'est que la matière, elle va commencer par s'échapper des îles, rejoindre les murs, puis couler en direction des filaments. Et ensuite, à l'intérieur d'un filament, la matière coule pour aller jusqu'au nœud de la toile cosmique. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand cette matière s'échappe des îles, puis des murs pour rejoindre un filament, vous avez en fait deux flots de matière sont perpendiculaires donc au filament, deux flots de matière qui vont en quelque sorte s'enrouler l'un l'autre pour former le filament à l'intersection. Et donc quand ces deux flots de matière se rencontrent, ils vont former ce qu'on appelle un champ de vorticité. Donc il faut imaginer un peu comme des vortex, ce qu'on a quand on fait couler l'eau du robinet dans son évier. On a un petit flot avec une vorticité qui apparaît. Et cette vorticité est alignée avec l'axe des filaments. Donc si une galaxie se forme à cet endroit-là, elle va aussi pouvoir acquérir en fait de la rotation dans la même direction et donc avoir tendance à s'aligner avec l'axe des filaments. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qu'on avait vu dans des simulations numériques, qu'on a aussi été capable de calculer d'un point de vue théorique. Et ça a été aussi observé dans les observations. Donc, par exemple, dans le SDSS, on a pu observer cet alignement des galaxies spirales de leur axe de rotation avec les filaments, alors que pour les elliptiques, c'est plutôt le contraire. Françoise Combe, cette idée de filament galactique, quand est-ce qu'elle a été proposée et en quoi elle est liée à nouveau, on en revient toujours à la fameuse théorie d'Einstein, en quoi elle est liée à cette théorie de la relativité ? Ah oui, alors d'abord, première question, quand est-ce qu'on l'a observée ? Comme le rappelait Sandrine, dans les années 80, on faisait une cartographie du ciel. Alors c'était très difficile à l'époque. Il y avait pendant 10 ans, les gens du Harvard se sont mis à regarder des spectres de galaxies, parce qu'en fait, pour cartographier ces filaments, il faut avoir la distance, pas seulement la... en projection, l'image plane de galaxies sur le ciel. Donc, il faut avoir leur distance. Et s'appuyer sur l'expansion de l'univers pour avoir la distance. Donc, il fallait avoir le spectre pour avoir la vitesse d'éloignement par rapport à nous. Comprendre le décalage de chaque galaxie. Mais à l'époque, ils faisaient un spectre par des fentes. Et donc, il fallait faire une fente toutes les 2 heures. On faisait quelques galaxies par nuit. Et donc, ça a pris 10 ans pour avoir 18 000 galaxies, ce qui est très, très laborieux. Et donc, ils ont vu que les galaxies étaient tracées des toiles d'araignées, comme ça, dans le ciel. Et puis, aujourd'hui, on a fait un grand progrès avec le Sloan Digital Survey, le SDSS, dont parlait Sandrine ici. On a des multi-objets, c'est-à-dire des spectres où on peut, sur une plaque, avoir des petits trous, ou alors des lentilles, ou d'un miroir. Enfin, le principe est qu'on peut avoir 400 galaxies dont on fait le spectre simultanément. Le Dune, on passe à 400. Donc à ce moment-là, on peut en faire des millions. Et donc en quelques années, ils ont fait quelques millions d'objets. Et on pense aussi dans le futur que, par exemple, le satellite Euclide va partir en 2021-22 et il va peut-être faire 12 milliards de spectres, 12 milliards de galaxies. On anticipe un petit peu sur notre programme de l'émission. On reviendra à tous ces outils qui nous permettent de comprendre les filaments galactiques, de les modéliser et les outils à venir. Je reviens à ma question initiale sur la question de la théorie de la relativité générale et du lien entre cette théorie qui postule la gravitation et ces structures, ces grandes structures de l'univers, comment tout ça interagit? Alors ça, c'est la gravité. En effet, la relativité d'Einstein, qu'il avait vue en 1919, 1920, 1915, enfin, au début, eh bien, elle nous dit que lorsqu'on on résout l'équation d'Einstein, la grande équation, c'est relier la géométrie de l'univers à son contenu. Donc, il a essayé de poser cette équation. Et lorsqu'on a essayé de la résoudre, on s'est aperçu que l'univers était soit en expansion, soit il se concentrait sur lui-même et il n'y avait pas d'équilibre stable, en fait. L'univers était tout à fait dynamique. Alors, Einstein était contre cette idée. Il voulait que ce soit stable, stationnaire, etc. Donc, il avait rajouté une constante. Alors, on va voir dans le futur ce que va devenir cette constante. Mais bon, il ne l'aimait pas du tout parce que ça rendait son équation tout à fait très, très laide, en fait. Oui. Hein. Il préférait une équation très jolie, inélégante, très belle, inélégante. Oui. Voilà. Et donc, on s'est aperçu, aux mêmes époques, en 1920, que l'univers était en effet en expansion. Donc c'est là qu'on a vite enlevé la constante, parce que c'était aux mêmes époques, c'est marrant. Hubble et tous ses observateurs avaient montré que finalement l'expansion était là. Donc c'est ça en fait, il y a un Big Bang, on a été obligé d'avoir le Big Bang. L'abbé Lemaître avait pensé que si on regardait dans l'arrière, cette expansion, on a été forcément obligé de penser que tout l'univers était né dans un Big Bang très chaud. Et donc, à partir de ce Big Bang, on a des petites fluctuations. Et si l'univers est en expansion, on voit dans les simulations qu'on forme de ces filaments cosmiques qui ensuite s'effondrent par la gravité d'Einstein, forment des amas, des filaments, des galaxies. Sandrine Codis, quelque chose à rajouter à cette leçon sur l'histoire de la cosmologie? Alors, peut-être ce qu'on pourrait rajouter, c'est que, donc, comme vous l'avez bien senti, ici, ce qui est important, c'est que ces grandes structures, elles se forment par le biais de la gravité. Et donc, suivant la théorie que l'on a de la gravité, donc, que ce soit la relativité générale d'Einstein ou peut-être autre chose, alors on va former une toile cosmique légèrement différente. Donc, ça, c'est par exemple un des grands buts des futures missions. Donc, on a mentionné Euclide, par exemple, et on y reviendra tout à l'heure, mais un des grands buts, c'est justement de mesurer le plus finement possible cette toile cosmique pour pouvoir tester la théorie de la relativité générale d'Einstein et possiblement essayer de trouver peut-être des départs à cette théorie, puisque finalement il faut quand même rappeler que la théorie de la relativité générale, elle est extrêmement bien testée à des échelles relativement petites. À l'échelle du système solaire, par exemple. Voilà. Et qu'on a extrapolé cette théorie aux plus grandes échelles de l'univers et que donc il faut tester maintenant cette prédiction. Et donc c'est vraiment un des grands enjeux de la cosmologie aujourd'hui. Oui, mais ça, on y reviendra également en deuxième partie de l'émission. Sandrine Codis, toujours en lien avec ces questions initiales et ces premiers moments de l'univers, est-ce que cette structure filamentaire, cette structure en filament qu'on retrouve aujourd'hui aux plus grandes structures, était présente dès les tout premiers moments qui ont suivi le Big Bang? Oui, alors ça, c'est une question très importante. La question de d'où finalement provient cette toile cosmique? D'où elle provient. Et en fait, il a fallu attendre, je pense, finalement, les années 90 avec des travaux, notamment de Dick Bond, Lev Kaufman, Dimitri Pogosian, etc., qui ont été les premiers à comprendre vraiment l'origine de la toile cosmique. Et donc, toute l'idée, c'était que finalement, cette toile cosmique, elle est déjà là quand l'univers est tout jeune. Et son empreinte est déjà là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'on a ces petits grumeaux initiaux. Et donc, dans cette distribution initiale de l'univers, on va avoir des petits pics de densité. Hein, et reliant ces pics, il y a comme des ponts. Alors, c'est pas encore des filaments, mais ça va le devenir, puisqu'en fait, les pics de densité vont ensuite s'effondrer sous l'effet de la gravité pour donner naissance au nœud de la toile cosmique. Et ces petits ponts initiaux vont ensuite s'effondrer aussi pour former les filaments de la toile cosmique. Donc, la réponse est effectivement oui. La toile cosmique, elle était déjà là dans l'univers quand il était tout jeune. Elle a pas du tout... Elle n'est pas du tout pareille que celle qu'on observe aujourd'hui, mais en tout cas, son empreinte était déjà là. L'origine est vraiment là dans les conditions initiales. Et cette origine, elle est vraiment liée à ces petits grumeaux initiaux et surtout à l'anisotropie de ces grumeaux initiaux. Le mot important, c'est anisotropie dans ce genre de raisonnement. C'est, en gros, l'anisotropie, pour le dire vite, c'est l'instabilité, c'est ça ? Alors, l'anisotropie, ça veut dire les ponts qui relient les pics. Le fait qu'en fait, les pics initiaux, ce ne sont pas des sphères, mais ils sont légèrement aplatis, c'est un peu comme des ellipsoïdes. Donc, il y a des directions privilégiées localement. Et c'est le long de ces directions privilégiées que vont se former les filaments. On reviendra en deuxième partie, après avoir posé le décor de ces grandes structures de l'univers en filaments, sur les moyens qu'on a aujourd'hui d'observer et de mesurer ces filaments. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes and call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They stumble blindly as they make their way across the universe. Triangle Wainwright qui reprenait Across the Universe des Beatles dans la méthode scientifique sur France Culture, puisque oui, nous voyageons dans l'univers tout au long de cette heure et nous parlons des filaments galactiques et de la toile cosmique en compagnie de Françoise Combes, astrophysicienne et professeure au Collège de France, titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie, et au téléphone avec Sandrine Codis, astrophysicienne à l'Institut d'Astrophysique de Paris. Alors Françoise Combes, juste avant la musique, on a commencé à évoquer la difficile observation de ces filaments galactiques et de ces grandes structures de l'univers. Quels sont les principaux obstacles observationnels aujourd'hui à l'observation de ces grandes structures, de ces filaments ? Alors en effet, ils sont très ténus, ils sont faits de matière noire d'abord. Donc la matière noire, enfin, c'est une matière transparente, elle n'est pas noire, elle est vraiment transparente, on voit au travers, et elle n'interagit pas avec la lumière, donc on ne peut pas la regarder. Il y a de la matière ordinaire, les baryoniques. C'est du gaz, alors c'est sans doute du gaz très chaud ou un petit peu de gaz froid aussi, mais à des températures telles que, et en plus d'une densité tellement diffuse, qu'on ne peut pas les détecter directement. Par contre, il y a des galaxies mélangées à ces filaments, donc on observe les galaxies, et on a vu qu'en regardant où étaient ces galaxies, on les voit qu'elles sont alignées selon cette toile. Donc c'est une façon de regarder un petit peu, mais juste on regarde un peu le glaçage du gâteau et non pas le gâteau lui-même. Et puis, il y a aussi des récemment, donc avec MUSE, on a vu qu'il y avait du gaz ionisé qui pouvait être éclairé par les galaxies. Alors, les galaxies émettent des rayonnements UV, et ce rayonnement UV va faire fluorescer tout le gaz des filaments. Donc, il y a les quasars aussi. Les quasars sont des trous noirs qui sont très massifs au centre des galaxies, qui sont très, très, très lumineux, 1000 fois plus qu'une galaxie, par exemple. Et donc, ils peuvent éclairer, envoyer des rayons UV très loin et faire fluorescer le gaz des filaments qu'on ne verrait pas autrement. Donc, c'est par fluorescence. Il y a une autre façon de les regarder aussi, c'est par absorption. Parce que ces filaments qui sont un peu partout dans l'univers, ils absorbent le rayonnement des quasars lointains. Et on peut, si on a assez de quasars en ligne de mire au fond, regarder toutes les lignes de visée en absorption et on voit qu'il y a beaucoup de gaz. Alors il absorbe, il est froid, il absorbe, mais il est atomique. Et on en déduit, par les conditions de métallicité, d'abondance des métaux, on déduit un petit peu toute la matière qu'il y a dans le filament. Et c'est toujours indirect, vous voyez, on l'illumine pour le voir ou on le regarde en absorption, mais directement on ne peut pas tellement l'observer. Sandrine Codis, sur ces difficultés observationnelles des grandes structures de l'univers, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je pense que Françoise a vraiment bien résumé le problème. Donc je pense que tout le monde a compris que c'était quelque chose de très difficile à faire. Et surtout, ce qui est difficile à faire, c'est d'observer vraiment le filament de gaz lui-même. Parce que donc, après, il y a d'autres choses que l'on peut faire. C'est effectivement regarder est-ce qu'il y a des filaments de matière noire. Donc ça, on peut utiliser des techniques basées par exemple sur le lentillage gravitationnel. Le lentillage gravitationnel, on rappelle rapidement ce que c'est peut-être? Oui, tout à fait. Alors, donc, quand on pense à la théorie de la relativité générale d'Einstein, qu'est-ce que nous dit cette théorie? Que toute déformation de l'espace-temps va courber la trajectoire des objets qui le composent, et en particulier, disons également des objets sans masse comme les photons de lumière. Donc, les photons, ils vont pas se propager en ligne droite, mais s'il y a des objets massifs le long de leur chemin, ils vont être déviés. Et donc, ça, c'est quelque chose que l'on peut observer, hein, la modification de la trajectoire des photons dans l'univers, et c'est ce qu'on appelle l'effet de lentillage gravitationnel. Donc c'est vraiment comme un effet de lentillage en optique. Par exemple, ce qu'on peut s'amuser à faire comme petite expérience à un dîner le dimanche ou à un dîner de Noël. c'est d'actualité. Donc c'est par exemple de prendre un verre de vin, on prend une petite bougie, on place la avec modération. Voilà, un verre d'eau. On prend la bougie, on la place derrière le verre de vin, et puis on fait bouger le pied du verre pour voir la bougie à travers le verre. Et on va voir que l'image de la bougie, ça va pas être juste un point lumineux dans le verre, mais ce point, il va être déformé, et parfois même suffisamment déformé pour qu'il y ait ce qu'on appelle des images multiples, qu'on va voir en fait plusieurs flammes le long du verre, et parfois même carrément ce qu'on appelle un anneau d'Einstein, donc un arc et finalement même un anneau complet dans le verre. Et c'est donc ça, c'est de l'optique traditionnelle, c'est le verre de vin qui fait office de loupe. Et du côté de l'univers et de la gravitation, c'est l'univers lui-même, en fait, les structures qui le composent, qui font office de loupe. Et on observe exactement le même genre de phénomène. Donc l'image d'une galaxie lointaine qui va être déformée par des objets d'avant-plan, comme des grands amas de galaxies. Ça, l'effet qu'on va pouvoir voir, c'est parfois des images multiples de cette galaxie. Des mirages gravitationnels, c'est ça? Voilà, exactement, des arcs gravitationnels, etc. Donc c'est ça l'effet de lentillage gravitationnel. Et pourquoi il est important en cosmologie? Parce que quand on mesure un effet de lentillage gravitationnel, finalement ce que l'on mesure, c'est la loupe, c'est-à-dire toute la masse le long de la ligne de visée qui a modifié la trajectoire des photons lumineux. Et donc mesurer des effets de lentillage gravitationnel, c'est mesurer finalement, cartographier la masse dans l'univers, donc principalement la matière noire, mais pas que, c'est toute la masse qui est cartographiée par ce biais. Et donc on peut utiliser ce genre de technique pour savoir où se situe la matière, en particulier la matière noire dans l'univers. Et donc par exemple, est-ce qu'on a des filaments de matière noire entre les galaxies? C'est une question qui peut être posée et étudiée par le biais de ce lentillage gravitationnel. Alors malgré les obstacles observationnels, on peut de plus en plus cartographier l'univers aux plus grandes échelles. Et c'est ce à quoi s'emploient notamment les cosmographes. Alors pour le reportage du jour, je suis allé à la rencontre de l'un d'eux. Il s'agit de Daniel Pomared, qui est l'un des découvreurs en 2014 de l'Aniakea, le super amas de galaxies dans lequel se situe notre Voie lactée. Daniel Pomared est chercheur au CEA IRFU à l'université Paris-Saclay. Et il m'a expliqué comment il s'y prend pour cartographier les galaxies, les amas de galaxies et les super amas de galaxies, mais également les filaments et les vides qui compose cette toile cosmique. On cherche à cartographier plusieurs types d'éléments, donc les filaments qui connectent entre eux des régions particulièrement denses, et ces filaments séparent entre eux des vides cosmiques, et le vide local qu'on a récemment cartographié est un tel vide et nous concerne puisque notre galaxie est située dans une des régions périphériques de ce vide. Donc un aspect important de cette science qu'on appelle la cosmographie, la cartographie du cosmos, c'est d'être capable de représenter la structure de notre univers en trois dimensions. Car c'est là que sont mises en évidence les caractéristiques des filaments, des amas de galaxies ou des vides. Et donc j'ai développé un logiciel de visualisation en trois dimensions que je vais utiliser maintenant pour explorer la distribution des galaxies dans l'univers local. Donc jusqu'à des distances de typiquement une centaine de mégaparsecs. C'est fascinant. Donc là, on est face à un nuage de points qui constitue une espèce de chevelure très dense. Chaque point représente une galaxie, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Il y a 30 000 galaxies qui sont répertoriées, dont on dispose d'une mesure de distance. Et on voit apparaître une structure filamentaire. Notre galaxie se trouve à l'origine du système de coordonnées. On utilise un système de coordonnées qui s'appelle le système de coordonnées supergalactiques. On voit apparaître très vite la structure filamentaire de la distribution des galaxies dans l'univers. Donc une belle illustration en est la chaîne de Persée-Poisson. Donc c'est une chaîne de 5 amas de galaxies qui se trouve dans les constellations de Persée et de la constellation des Poissons. Ces 5 amas de galaxies apparaissent quasiment comme des perles disposées le long du fil d'un collier. Donc c'est quelque chose de très beau. C'est typique des filaments qu'on trouve dans l'univers local, dans ces dimensions, dans ces échelles typiques de la centaine de mégaparsecs. Voilà, je charge les données. Le système de coordonnées supergalactique. Donc là, je commence par représenter des surfaces qui correspondent au lieu où le champ de densité est le plus élevé. Donc, au sein de ce qu'on appelle la toile cosmique, le Cosmic Web, ça correspond à ce qu'on appelle des nœuds de la toile cosmique, c'est-à-dire à des endroits où les filaments vont converger. C'est ce qui pourrait être des carrefours de l'univers. Exactement. Donc mon logiciel permet de représenter le champ de densité et de sélectionner telle ou telle valeur de la densité et de représenter les régions de l'univers qui sont à cette valeur correspondante. Donc là, sur cet histogramme, je peux aller vers les valeurs extrêmes et ça représentera les régions les plus denses de l'univers. On peut ensuite représenter les choses différemment en utilisant une autre variable. Voilà, donc là on va visualiser une autre surface qui va nous permettre de visualiser les filaments. Voilà, donc on voit apparaître la structure filamentaire qu'on a pu reconstruire. Donc vous voyez comment les filaments convergent sur les nœuds de la toile cosmique. Là par exemple vous avez un cas de filament qui, à très grande échelle, qui mesure typiquement une centaine de mégaparsecs et qui relie entre eux plusieurs nœuds. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que si on se place sur le même point de vue que sur la visualisation des galaxies, on voit qu'on n'a pas cette zone cachée. Oui. Donc on reconstruit en trois dimensions et de manière complète le ciel autour de nous pour avoir une cartographie intégrale de l'univers local. Et alors, dans cette représentation, vous voyez apparaître des zones vides qui sont typiquement entourées par des filaments. Donc c'est le cas de ce qu'on appelle le vide local. Donc le vide local, il se trouve au centre de la carte. Il était encore, il y a encore quelques années, très mal connu, puisqu'il se trouve essentiellement dans la zone d'obscuration galactique, cette zone qu'on ne peut pas observer directement, mais dont on pouvait soupçonner la présence dans les régions périphériques par l'absence de galaxies. Et alors, on peut le représenter de la même manière, et on voit apparaître des régions sous-denses, donc qui sont imbriquées à l'intérieur de la toile cosmique définie par les filaments en gris et les nœuds en rouge. C'est-à-dire que le vide local est lui-même traversé de certains types de filaments. Alors oui, c'est ce qu'on a... On a publié un article récemment dans Astronomical Journal sur la cartographie du vide local. Alors c'est quelque chose qui est connu, en fait. Les grands vides peuvent être traversés de filaments ténus, qui sont les traces de faibles fluctuations de densité légèrement supérieure à la moyenne de la densité dans l'univers, et qui ont permis à des galaxies de naître. Et il en reste des traces, donc avec des filaments très ténus qui peuvent traverser de part en part des vides, dont on se rend compte qu'en fait ils ont une architecture complexe, variée. On pourrait représenter des vides par des sortes de bulles, par des sortes de sphères sous-denses, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est polymorphe, il y a tout un spectre de tailles qui sont observées. Et en fait, c'est comme si l'univers avait une partie surdense, une partie sous-dense, que la partie surdense s'organise dans une toile en 3D, et en fait la partie sous-dense s'organise elle-même dans une toile sous-dense, avec des endroits très peu faiblement peuplés, qui sont connectés entre eux par des sortes d'antifilaments de densité inférieure à la densité moyenne. Et ça, ça fait une sorte de structure imbriquée. Il y a comme une toile cosmique de la surdensité et une toile cosmique de la sous-densité qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et on peut difficilement décrire ça par des choses aussi simples que des sphères. Voilà pour ce reportage au CEA avec Daniel Pomarède. Alors, une réaction éventuellement à ce que vous venez d'entendre, François? Oui, oui, en fait, la cartographie de l'univers local, c'est un exploit, en fait, parce que les vitesses qu'ont les galaxies entre elles sont très polluées par rapport à l'expansion de l'univers, par les mouvements locaux. Mmh. Et donc, il faut deux indicateurs de distance. Il ne faut pas seulement l'indicateur de distance qui est dû à l'expansion. Hein, c'est ce qu'on fait à très, très grande distance. On se dit, bon, il y a une certaine décalage vers le rouge, donc on a une distance. On ne pouvait pas se baser là-dessus, parce qu'il y a des vitesses, des mouvements browniens des galaxies entre elles, dans le groupe local, dans les amas. Et donc, il fallait un autre indicateur de distance. Alors, cet autre indicateur, ça peut être des céphéides, ça peut être des supernovées. On sait que les supernovées permettent d'avoir des indicateurs distants, des chandelles standards, ou alors des relations entre vitesse et masse de gaz, des relations d'échelle, comme on dit, que justement Brentulli avait fait. Et donc, tout ça, il fallait chaque galaxie avoir leur distance propre, indépendante de l'expansion de l'univers. Et donc, c'est ça qui a permis de faire une cartographie de l'Agnakéa, etc. Et en fait, il faut prendre de leçons aussi à plus grande distance. On sait que les amas de galaxies, ils sont très massifs et donc, ils ont beaucoup d'énergie cinétique. Il y a des galaxies qui ont 1000 km par seconde en moyenne de vitesse interne à l'amas de coma, par exemple. Et donc, on peut pas non plus se baser sur l'expansion de l'univers totalement parce que c'est très perturbé. Donc, quand on est au voisinage d'un amas, on a ce qu'on appelle les doigts de Dieu parce qu'on a l'impression que toute la matière est étirée sur la ligne de visée, mais c'est dû simplement aux vitesses internes de l'amas. Sandrine Codis. Alors, pour parler de quelque chose d'un peu différent dans le reportage, quelque chose qui m'a frappé et je pense que c'est quelque chose de très important, donc je voudrais réinsister dessus. On a entendu parler du fait qu'il y a il y a une toile cosmique dans la toile cosmique, cette imbrication des vides dans les vides, des filaments. Des filaments et des antifilaments, ça complique notre histoire quand même. Non, mais c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, ça revient à ce qu'a évoqué Françoise tout à l'heure. Elle a parlé d'autosimilarité, hein, le fait que la gravité, elle se produit à toutes les échelles. Et à tous les temps, finalement. Et donc, cette toile cosmique, elle n'apparaît pas à juste une seule échelle à un moment donné, elle apparaît à toutes les échelles et à des moments différents. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Si vous prenez la toile cosmique à une certaine échelle, vous zoomez à l'intérieur d'un mur, d'un vide ou d'un filament, vous allez voir une nouvelle toile cosmique qui se dessine, et comme ça, sur une très grande gamme d'échelles. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique très importante de la toile cosmique. Je pense que c'est important de le souligner. Françoise Combes, avant le reportage, on parlait des obstacles gravitationnels. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des obstacles théoriques majeurs à la compréhension de ces structures filamentaires de l'univers? Ah oui, moi je dirais que le principal mystère qu'on n'a encore pas résolu, c'est la nature de la matière noire. Et puis aussi, évidemment, il y a l'énergie sombre qui, elle, accélère l'expansion. C'est moins difficile parce qu'elle est très homogène et elle n'est pas confinée dans les galaxies ou dans les grandes structures. Donc, dans les simulations, on parle toujours d'univers comobile, donc on élimine un peu l'expansion. Par contre, la matière noire, elle joue beaucoup. Et donc, comme le mentionnait aussi Sandrine, un des défis majeurs pour le futur, par exemple Euclide, c'est de bien cartographier exactement toute à chaque décalage vers le rouge, donc à chaque époque, cartographier cette toile pour savoir si la gravité va être autre que celle d'Einstein à grande échelle. Alors c'est peut-être pas à grande échelle qu'on va la modifier, mais dans les champs gravitationnels faibles. Parce qu'on s'est aperçu que dans les galaxies, par exemple, c'est toute la théorie de la gravité modifiée de monde. Oui. Lorsque on arrive, qui est la théorie de la dynamique newtonienne modifiée, pardon. Voilà. Oui. Donc on essaie de changer un peu la loi. Et quand est-ce qu'on la change? C'est pas seulement une question d'échelle, c'est une question de champ de gravité fort ou faible. Donc en champ fort, dans tout le système solaire, on est en champ fort, on n'a pas besoin de modifier. Mais dès qu'on arrive au bord des galaxies, on est en champ faible. De même que dans les galaxies naines, même au centre, on est en champ faible, on a besoin de beaucoup, beaucoup de matière noire. Et c'est là qu'il faudrait changer la gravité en champ faible. Ou alors, aussi, si on... Alors ça, c'est pour se débarrasser de la matière noire. Oui. Si on veut se débarrasser de l'énergie noire, il faut avoir une autre modification, une dégravitation. Voilà. Alors ça, c'est la théorie de la gravitation modifiée qu'on baptise MOG. Voilà, c'est ça, ouais, à peu près. Par exemple. Sandrine Codis, on évoquait à l'instant le satellite Euclide. Vous allez vous-même faire partie de cette mission européenne. Alors, qu'est-ce que ce sera que ce satellite Euclide qui va être lancé en 2022 et comment vous allez y contribuer? Donc, alors, c'est un satellite, comme vous le disiez, européen qui va être lancé dans un futur très proche. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'en apprendre davantage sur l'énergie sombre et la matière noire, en réalité. Et pour cela, il y aura finalement deux instruments à bord. Un instrument qui sera un imageur, parce qu'en fait, on veut mesurer la forme des galaxies pour pouvoir mesurer cet effet de lentillage gravitationnel dont on a parlé ensemble tout à l'heure. Et le deuxième instrument, ce sera cette fois-ci un spectrographe, puisque pour cartographier les galaxies, on a besoin, comme on l'a dit, de connaître leur distance radiale. Et donc pour ça, on a besoin d'avoir des spectres pour mesurer les décalages vers le rouge. Donc on va avoir ces deux instruments à bord qui vont nous permettre en fait d'avoir deux sondes, on dit deux sondes cosmologiques, c'est-à-dire deux façons d'observer l'univers différemment, une grâce à l'effet de lentillage gravitationnel, puis une autre grâce à cette cartographie à trois dimensions de la distribution des galaxies. Et donc, ce qu'il faut peut-être souligner, c'est que ça va être un saut vraiment très important en termes de statistiques sur ces objets-là. On va avoir déjà des instruments très performants et qui vont nous permettre de faire des mesures sur un très grand nombre de galaxies. Donc, par exemple, pour l'effet de lentillage gravitationnel, on va être capable de mesurer cet effet sur, je crois, quasiment 2 milliards de galaxies. Donc, c'est vraiment des chiffres qui sont très importants et on espère que cette très grande quantité de données, elle va nous permettre de faire des mesures très fines de la toile cosmique et donc, in fine, de pouvoir poser des contraintes très fines sur l'énergie sombre et également sur la matière noire. Françoise Combes, voilà, une mission qui est en approche et qui est très prometteuse. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres missions qu'il faudra suivre avec attention? Oui, il y en a d'autres. Alors, par exemple, il y a ce qu'on appelle LSST, qui est le Large Synoptic Survey Telescope. Il est surtout américain, mais les Français participent aussi beaucoup. Donc, il va faire un petit peu comme Euclide, regarder des milliards de galaxies. Et puis, il y a surtout SKA, mm-hmm, Square Kilometer Array. Donc c'est en radioastronomie cette fois, tout ça c'était en optique et infrarouge. Là en radioastronomie, on va faire un petit peu comme Euclide, c'est-à-dire qu'on va cartographier les galaxies, mais avec l'hydrogène atomique, donc H, le baryon ordinaire, le proton électron. Et donc on va pouvoir aller jusqu'à très très grandes distances et cartographier aussi des milliards de galaxies. Donc c'est en train d'être construit à la fois en Australie et en Afrique du Sud. On aura des antennes à plusieurs fréquences étalées sur 3000 kilomètres. Donc l'Australie, c'est juste toute l'Australie. Ou alors en Afrique du Sud, il faudra aller aussi au Zimbabwe et dans d'autres pays à côté. Donc les Européens, les Américains, les Chinois et tout le monde entier participe à cette traque de la matière noire. Et dans cet instrument qui est unique. En fait, il n'y a plus comme autrefois compétition entre plusieurs instruments. Là, c'est tout le monde entier qui s'est mis derrière cet instrument. Parce que c'est quand même 1 km², c'est-à-dire 1 million de mètres carrés de surface. On construit un réseau. Pour comprendre un réseau, finalement, il y a une certaine forme de logique. Voilà, c'est ça. On a un réseau d'antennes. Merci en tout cas infiniment à vous deux, Françoise Combes et Sandrine Codis, d'être venues nous éclairer sur ces grandes structures de l'univers. On va suivre avec attention ces grandes missions qui sont à venir et qui vont peut-être nous permettre d'en apprendre plus sur ces grandes structures, mais également sur la matière noire. Un grand merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lozen, Eve-Étienne, Mathieu Lefrançois, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Clémence Alzar, Alexandra Delbo, à la réalisation aujourd'hui Émilie Valla, à la technique Valérie Lavalard. Demain, dans la méthode scientifique, ce sera le botaniste Francis Allais qui jouera le rôle du Père Noël pour une émission Grand Entretien. On va ensemble rêver d'arbres et pas seulement de sapins. D'ici là, portez-vous bien et joyeux Noël à toutes et à tous.